Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, l'horloge de la fin du monde. The board takes the unprecedented step, the first time in its history, of moving the clock hand 30 seconds closer to midnight. It is now 2.5 minutes to midnight. Le 26 janvier 2017, les aiguilles de l'horloge de la fin du monde ont été avancées de 30 secondes, une première depuis la création de l'horloge, dont l'heure avançait ou reculait jusque-là par unité de minute entière. Le concept derrière cette horloge de la fin du monde est simple. L'horloge sert à indiquer le degré de danger qui menace l'humanité de sa disparition. Plus les aiguilles de l'horloge se rapprochent de minuit, plus l'humanité se rapproche de l'apocalypse. Selon cette horloge, créée en 1947 en pleine guerre froide, l'humanité ne serait donc plus en 2017 qu'à 2 minutes et demie de l'apocalypse. L'horloge de Doomsday, plus communément appelée horloge de l'apocalypse, a été avancée de 30 secondes ce jeudi 26 janvier. 2 minutes 30 avant minuit, c'est le temps présumé qu'il nous reste avant la fin de l'humanité. Un rapprochement inquiétant pour les scientifiques, amplifié notamment avec l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis. À peine entré à la Maison-Blanche, ses déclarations immodérées, son manque d'ouverture à des conseils d'experts et ses nominations contestables ont déjà empiré la situation internationale en termes de sécurité. Le réchauffement climatique, la montée du nationalisme, la détérioration de la sécurité mondiale dans un environnement technologique de plus en plus développé, ainsi que l'ignorance générale et grandissante de la population. Autant de raisons qui font pencher un peu plus les aiguilles de l'horloge de l'apocalypse à son extrême, minuit. Extrait d'un reportage de la chaîne web française MaxiScience, dans lequel on explique les raisons qui ont mené à l'avancement de l'heure qu'indique l'horloge de la fin du monde le 26 janvier 2017, pour refaire la petite histoire de cette horloge et nous rappeler le contexte dans lequel elle a été créée en 1947. Mon invité, Carl Bouchard, historien à l'Université de Montréal, collaborateur régulier de l'émission. Carl Bouchard, bonjour. Bonjour, Jacques. Cette horloge-là, l'horloge de la fin du monde, elle a été créée en 1947, Carl Bouchard. L'idée, au départ, c'était de créer un outil de sensibilisation, sensibiliser la population à cette grande menace nucléaire surtout, oui. Qui, à ce moment-là, qui guettait la survie de l'humanité. Or, cette horloge-là, aujourd'hui, est plutôt mal connue du grand public. Pourquoi? Oui, quand j'en parle aux gens, il y a toujours « j'ai déjà entendu parler de ça, mais c'est pas quelque chose qui est très connu ». D'une part, ce sont des scientifiques. Il y a quelque chose là qui est du domaine aussi, qui n'est pas forcément du grand domaine public, oui. Qui ont une volonté d'objectivité qui est très forte. Il faut aussi comprendre que pendant une bonne partie de l'histoire de cette horloge, c'était publié dans un bulletin, qui est le bulletin des scientifiques de l'atome, qui n'est pas forcément diffusé à travers le monde. Plutôt confidentiel. Plutôt confidentiel, exactement. Ouais. Donc, c'est un instrument à vocation populaire, mais qui, malgré tout, n'a pas forcément eu les moyens pour être plus connu. Aujourd'hui, on en parle un peu plus. Et puis, ça dépend aussi d'une année à l'autre. Ce n'est pas une horloge qui est chaque année mise au jour. Mm-hmm. Et donc, il y a des moments où on en parle un peu plus, des moments où on en parle un peu moins à travers les décennies. Je soupçonne même, d'ailleurs, que cette décision du 26 janvier 2017 de créer un effet nouvel, un effet médiatique, c'est une première. Pour la première fois, on avance que de 30 secondes. Soit une manière de... On est peut-être conscient du fait que l'horloge est plutôt mal connue. Finalement. Est plutôt mal connue. Et puis, à un moment donné, il faut aussi savoir, dans la dimension sensationnaliste, jusqu'où on peut aller. Est-ce qu'on peut reculer jusqu'à une minute avant minuit ou pas? Donc, ça détermine aussi la capacité d'aller chercher la population ou non. Parce que la crédibilité est importante. Ouais. Encore une fois, c'est des scientifiques. Hein? Ce sont vraiment des hommes de science, des femmes de science qui déterminent l'heure qu'indique l'horloge chaque année. Qu'est-ce que ça nous dit? De quelle manière cette horloge-là, cet instrument, la création de tout ça, c'est intéressant? Qu'est-ce que ça nous dit sur le monde dans lequel on vit, mais plus profondément sur qui on est, sur la nature humaine? Oui, absolument. C'est pourquoi je trouvais ça intéressant d'en parler. C'est que c'est un peu un baromètre un peu de notre histoire des 7 dernières décennies. Ça a maintenant une 70 ans. Et c'est aussi une façon de faire une histoire, dans une certaine mesure, de l'anxiété, des peurs qui sont liées à la guerre froide, qui a été une majeure partie de cette période, et puis de l'après-guerre froide, des nouvelles peurs d'aujourd'hui. Mm-hmm. Et cette horloge réagit à ces peurs et à ce flux un peu qui détermine notre avenir, puis l'avenir de l'humanité. Un baromètre des anxiétés. Ouais. L'image est assez belle. Revenons au contexte. Dans quel contexte est créée en 1947 cette horloge de la fin du monde, qu'on appelle aussi parfois l'horloge de l'apocalypse? Ouais. C'est une horloge qui a été fondée. En fait, ça apparaît pour la première fois dans un bulletin, qui est le bulletin des scientifiques de la tombe. C'est un bulletin qui est publié pour la première fois en 1945. L'horloge arrive en 1947. Et en fait, les fondateurs de ce bulletin, ce sont les scientifiques qui ont participé au projet Manhattan. Projet Manhattan qui est le projet de fabrication de la bombe atomique, le projet américain de fabrication de la bombe atomique. Et là-dedans, il y a les plus grands noms de la physique du 20e siècle, Oppenheimer, Fermi, Niels Bohr. Et à ça va participer aussi Albert Einstein dans le bulletin. Et donc, c'est des scientifiques extrêmement sérieux, extrêmement réputés, qui, à un moment donné, en 47, disent, ben là, il faut désormais alerter la population et présenter à la population les risques associés au péril nucléaire. Ouais. Donc ça, c'est le point de départ. On doit décider, ça c'est intéressant, de l'heure en 47, de l'heure qu'indiquera l'horloge à sa création. Comment on décide de cette heure-là? Oui, c'est là toute l'ironie. Alors, on commence où? On commence à quelle heure? Et en fait, c'est la graphiste de l'époque qui a déterminé que c'était 7 minutes avant l'heure pour une raison purement esthétique. Elle avait 8 minutes, c'était les aiguilles était mal placé, 6, c'était pas assez. Alors, on l'a placé à 7 minutes. Et puis, à partir de là, c'est devenu le jalon à partir duquel on évolue d'une année à l'autre. Mais l'idée, évidemment, c'était de toutes les manières, peu importe que ce soit moins 8, moins 7, moins 6, on était prêt. Il y avait une menace. Voilà. Parce que ces gens dont vous parliez, qui ont participé au projet Manhattan, ce sont des scientifiques, mais ce sont des pacifistes. L'objectif premier, c'est d'alerter la planète, de dire attention, on vit sur un fil. La situation, on est en danger. On est en danger, évidemment. Il n'était pas question de la mettre à 53 minutes avant minuit. Effectivement, il fallait qu'on soit proche de minuit. Et effectivement, ce sont pour beaucoup d'entre eux des gens qui ont adhéré au mouvement pacifiste après la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à proposer un gouvernement mondial qui allait prendre le contrôle de l'énergie atomique pour que cette énergie soit uniquement utilisée à des fins pacifistes. Donc, il y a vraiment derrière ça une prise de conscience de la part de ces scientifiques et puis aussi une mauvaise conscience de ces scientifiques qui ont dit, on a participé à la création de cet outil de destruction, il faut maintenant faire quelque chose. L'horloge est créée en 47, donc elle indique moins 7, minuit moins 7. Les aiguilles ne bougeront pour une première fois que 2 ans plus tard, en 49. Mais attention, tout un bond, on avance de 4 minutes l'heure indiquée à cette horloge de la fin du monde. C'est considérable. Pourquoi? C'est considérable parce que jusqu'en 49, il n'y avait que les Américains qui avaient la bombe atomique. En 1949, les Soviétiques procèdent à leur premier essai. Et donc là, on prend conscience qu'on a cette double menace à l'Est et à l'Ouest. Les deux superpuissances possèdent l'arme atomique. La capacité de destruction est encore plus importante. Dans le bulletin, on dit qu'il faudra désormais se préparer à prendre de graves décisions sur l'avenir du monde. Donc déjà, on est en train de montrer, à partir de 1949, on est vraiment dans la guerre froide et la tension monte énormément. 53, c'est à ce jour encore le point culminant. Ouais. C'est l'année où on se rapproche le plus, où l'humanité se rapproche le plus de l'apocalypse. On est à moins 2 minutes avant minuit. Pourquoi? Que se passe-t-il? Première bombe à hydrogène de la part des Américains. Nouvelle escalade, en fait, une échelle dépassée sur la capacité de destruction. Donc, on suit dans ce contexte-là à la fois la tension de la guerre froide et puis aussi le développement technologique associé à la bombe atomique. Et donc, on se dit, là, ça y est, une frappe nucléaire peut véritablement exterminer l'humanité la frappe et par les représailles. Mm-hmm. Donc, on est particulièrement inquiet à partir des années 50. On n'est qu'en 1953, Carl Bouchard, mais déjà, on comprend assez bien qu'à sa création, et puis ce sera comme ça pour un bon bout de temps, quand on regarde l'historique de l'heure que va indiquer l'horloge de la fin du monde, c'est très, très associé, le degré de menace qui guette le monde à cette peur d'une guerre nucléaire. Il faut le dire, il faut le rappeler, on est en pleine guerre froide. Ouais. Pour comprendre un peu le contexte de l'époque, je vous propose d'écouter justement Robert Oppenheimer, l'un des créateurs de cette horloge, au micro d'Étienne Laloux de l'ORTF en 1963. Puis tout de suite après, vous allez entendre le sociologue Gaston Boutoul à l'émission Format 60 en 1971. Docteur Oppenheimer, beaucoup de gens pensent qu'en trouvant le moyen de désintégrer la matière, l'homme a découvert un secret qui le dépasse et qu'il est en train de creuser son propre tombeau. Qu'en pensez-vous, vous? C'est bien possible. Je ne suis pas optimiste, mais je maintiens un espoir. Autrefois, l'équilibre de la terreur se faisait en augmentant les effectifs. C'était le bon vieux temps, si j'ose dire, où on regardait les annuaires, on comptait le nombre de cavaliers, le nombre de fantassins, etc. Mais maintenant, il se fait à coups d'inventions de plus en plus épouvantables, tellement, tellement effrayantes, que vraiment, on a l'impression que ça n'est pas sérieux. Car nous ne savons pas ce que c'est qu'une guerre atomique, nous l'oublions pas. Hiroshima a été une bombe lancée sans réplique, sans adversaire, n'est-ce pas ? La puissance grandissante de ces armes, la complication grandissante de leur emploi et même de leur non-emploi, parce qu'il faut prendre de plus en plus de précautions pour éviter des accidents, eh bien tout cela fait qu'à première vue, on ne peut pas être optimiste. Je ne suis pas prophète, mais je suis inquiet. Quel poids, les deux invités sont inquiets, ouais. Robert Oppenheimer dans le contexte et Gaston Boutoul. Quel poids aura cette menace d'une guerre nucléaire dans l'histoire de cette horloge, Carl ouais. Bouchard? On suit les inflexions, en fait. Les moments de tension sont reflétés par une horloge, une aiguille qui se rapproche de minuit. Il y a des moments de détente, ouais. évidemment, à partir de la mort de Staline, l'arrivée de Khrouchtchev, le début de cette détente, de cette déglaciation de la guerre froide. Et puis donc, l'horloge va suivre ces moments. Mais c'est intéressant d'entendre Boutoul aussi parler de cette menace qui est très diffuse. On ne sait pas, ouais. On sait pas exactement ce que ça va donner. On sait que c'est catastrophique. Et puis l'horloge a justement cette volonté de dire, ben regardez, on sait pas exactement, on sait que ça va être terrible, mais nous, on vous montre ouais. à quel point on est proche de ce danger. Et ce mystère-là, ça contribue, cette ignorance, ça contribue ouais. au fond à la peur. On craint davantage encore ce qu'on ne connaît pas ouais. complètement. Mais en tout cas, ce baromètre de l'anxiété, hein, c'est comme ça que vous parliez de l'horloge au tout début de l'émission. Il est directement branché, ça c'est sûr, sur cette peur d'une guerre nucléaire ouais. pour vraiment au moins les 20 premières années d'existence et plus de cette horloge. Un autre bel exemple qui est lié à cette question nucléaire, la crise des missiles à Cuba en ouais. 1962. Mais cet exemple-là, il est intéressant parce que, a priori, il y a quelque chose de contradictoire. On frise la catastrophe avec cette crise des missiles en 1962. Et pourtant, au début 1963, On éloigne les aiguilles de minuit. Oui, on l'éloigne et pas qu'un petit saut, on est à 12 minutes, en fait. On passe à 12 minutes. Et ça, c'est assez intéressant parce que ce que nous révèle le rapport, en fait, qui est toujours associé au changement d'heure, c'est qu'on a signé, l'URSS et les États-Unis ont signé en 1963 le premier traité d'interdiction partielle des armes nucléaires. Premier acte où les grandes puissances vont prendre conscience, justement, de la nécessité de s'entendre sur le développement des armes nucléaires, sur le test des armes nucléaires. Et donc, les scientifiques de l'atome voient ça comme un geste particulièrement positif qu'il faut encourager. Donc, au moment de la crise des missiles, on a frôlé la catastrophe nucléaire, mais dès l'année suivante, des pourparlers font en sorte qu'on entre dans une ère de détente. En fait. Le fameux téléphone rouge aussi, la Exactement. Communication directe, ça rassure, les deux grandes puissances se parlent. Ça stabilise, en fait. Voilà. Ouais. 68-69... À nouveau, les aiguilles de l'horloge de la fin du monde, parce qu'on le rappelle, elles ne bougent pas chaque année. Mmh. Elles bougent à nouveau en 68 et en 69. Pourquoi? Ouais. Eh bien, il y a des mouvements. 7 minutes, 10 minutes, c'est lié à la guerre du Vietnam. On est encore une fois dans le contexte de la guerre froide, mais c'est aussi lié à l'accélération des essais nucléaires par d'autres pays. L'Inde et le Pakistan obtiennent la bombe atomique, la Chine, la France. Et donc là, cet effet boule de neige, en fait, du monde nucléaire inquiète, encore une fois, les scientifiques qui disent là, il va falloir qu'on pose de nouveaux gestes pour essayer de réduire les tensions mondiales. Ouais. 1980, c'est une année intéressante. Le comité de l'horloge décide de ramener symboliquement les aiguilles de l'horloge à moins 7, à minuit moins 7, ouais. comme à sa création en 1947. Pourquoi? C'est un geste... est-ce que je dirais que c'est un geste de désespoir? Peut-être pas de désespoir, mais c'est de montrer en fait que depuis 35 ans, malgré la tension, malgré la prise de conscience mondiale, eh bien, il y a toujours le même danger. Ouais. C'est-à-dire que c'est comme si on n'avait pas avancé en 35 ans, en fait. Et donc, la ramener à 7 heures, c'est une façon de dire au monde, eh bien, les grandes puissances n'ont toujours pas réduit leur arsenal nucléaire. Au contraire, on continue, même si la menace est aussi présente. 1981, vous parliez de cette courbe. Hein? Il y a des moments ouais. de détente, il y a des moments où la tension monte. 81, ce sont les années Reagan et l'horloge va vivre cet effet Reagan? On va vivre l'effet Reagan en diminuant peu à peu. En 81, on passe à 3 minutes. C'est l'ère pour les plus âgés de nos auditeurs et des auditrices de la guerre des étoiles, où on relance la perspective d'un conflit avec l'Union soviétique. C'est la suite de la crise des euromissiles aussi, des missiles intercontinentaux, des missiles balistiques. Donc, on est dans un contexte où on ramène les tensions qui avaient été plus ou moins, ou beaucoup plus diffuses dans le contexte de la détente. Et l'horloge, encore une fois, reflète ces tensions-là, l'invasion de l'Afghanistan par l'Union soviétique, le boycott des Jeux olympiques. Donc, tout ça montre que la tension entre les deux superpuissances augmente. Tôt ce matin, l'armée est-allemande préparait le terrain près de la porte de Brandebourg et la foule attendait impatiemment. Devant chacune des nouvelles brèches faites dans le mur, on célébrait. Simone Veil, ex-présidente du Parlement européen. C'est extraordinaire. C'est la victoire de la liberté. Et je trouve qu'on n'est pas, les Européens, suffisamment émus. D'autres n'arrivaient pas à parler. Albert Eskenazi, conseiller financier, est venu de Cologne. Après la fête, ce sera la joie qui va continuer. Ça va durer, ces réformes. Ça va durer sûrement, sûrement. Tout s'est passé tellement vite qu'on a encore du mal à y croire. Le mur s'en va. En tout cas, la population aujourd'hui s'est littéralement déchaînée sur ce mur, comme pour s'assurer qu'on ne reviendrait plus jamais en arrière, pour s'assurer qu'on appliquera bel et bien les réformes arrachées par le peuple d'Allemagne de l'Est. Ici, on fête encore, on s'inquiète peu des répercussions de tout ce qui s'est passé ces 3 derniers jours. Extrait d'un reportage de Raymond Saint-Pierre au moment de la chute du mur de Berlin. Ce que vous venez d'entendre a été diffusé 2 jours après la chute du mur en novembre 89. Quel effet, Karl Bouchard, a cette chute du mur de Berlin sur l'horloge de la fin du monde? Oui, bien, les scientifiques, eux aussi, sont dans l'euphorie. Donc, dès l'année suivante, on passe à 10 minutes et en 91 à 17 minutes. Wow. C'est la première fois qu'on dépasse le quart d'heure avant minuit. Donc, il y a ce sentiment qui vient de se libérer. Là, il y a un appel d'air tout à coup dans le monde international. Ça y est, exactement. Il y a eu un traité aussi, il y a des choses aussi un peu plus concrètes, traité de déduction des armes stratégiques qui est signé en 91. Le nombre de missiles intercontinentaux est aussi réduit. Donc, peu à peu, l'arsenal nucléaire suit ce changement géopolitique important. L'association va conclure, et je la cite dans son rapport de l'année 91, « L'illusion selon laquelle des dizaines de milliers d'armes nucléaires pouvaient garantir la sécurité nationale s'est enfin évanouie. » Et c'est un long soupir de soulagement qui permet de ramener l'aiguille donc à son moment le plus détendu de toute son histoire. Et c'est logique, en fait. C'est la fin d'une guerre. C'est la fin vraiment de l'après-Deuxième Guerre mondiale, de cette guerre idéologique des deux grands blocs. C'est la fin de la guerre froide. Donc, on change de paradigme. Et l'horloge le note bien. Tout à fait. Elle va continuer de survivre, l'horloge. La menace aussi va survivre. Puis on va voir dans les minutes qui viennent qu'on va même se rapprocher considérablement de minuit dans les années qui vont passer. Parlons du 11 septembre 2001, date incontournable des attentats terroristes du World Trade Center. Quel effet auront ces attentats de New York et de Washington sur l'horloge de la fin du monde? En 2002, on ramène à 7 minutes, encore une fois, avant minuit. On aurait pu imaginer que la tension allait être encore plus importante, la menace encore plus importante, mais je pense qu'on peut lire ce retour à 7 minutes comme étant une façon de nous dire que le terrorisme est une menace, effectivement, mais ce n'est pas la menace que pouvait constituer l'arme nucléaire. Mm-hmm. C'est une menace qui est plus ciblée, qui est plus liée dans un temps précis, dans un contexte précis. Et je pense que les scientifiques ont cette volonté de dire que ce sont les menaces globales qui affectent l'horloge et non pas une menace sur un type, une population en particulier, un continent et une culture en particulier. Même si le terrorisme peut être très meurtrier, peut représenter une nouvelle forme de guerre, on l'a beaucoup dit, on le dit encore beaucoup, c'est pas ça que veut mesurer l'horloge. Exactement. C'est la menace qui mènera à l'apocalypse, à l'apocalypse. La fin de l'humanité. Exactement. Il y a, à cet égard, en 2007, un point tournant intéressant d'ailleurs. Oui, absolument. En 2007, pour la première fois, le bulletin des scientifiques de l'atome prend en considération la menace environnementale. Oui. Et c'est un bel exemple, justement, un beau contrepoint par rapport au terrorisme. C'est que pour les scientifiques, la menace environnementale, c'est un danger planétaire. Et que ça peut mener à la fin du monde. Et que ça peut mener à la fin du monde, exactement. Dans une temporalité, évidemment, très différente de celle de l'arme nucléaire. Mais c'est une menace dont on devra maintenant tenir compte. Oui. Revenons à l'année 2017, à cette décision d'avancer les aiguilles de l'horloge de la fin du monde de 30 secondes, une première dans l'histoire de l'horloge. Oui. Comment interpréter? Et on est à 2 minutes et demie, donc, après 53, c'est presque le point culminant. On n'a jamais été si près de la fin du monde. Oui. Comment interpréter cette décision de nous rapprocher de 30 secondes de ce point culminant de 53? Est-ce que le monde est si menacé, Carl Bouchard? C'est une autre grande question. Est-ce que je pourrais y répondre? Ce que je peux dire, c'est que il est clair que la rhétorique belliqueuse de la nouvelle présidence américaine a certainement contribué aussi. Le regain de tension avec la Corée du Nord. Il y a un extrémisme politique qui explique le pessimisme des scientifiques. On nous dit dans le rapport que la probabilité de catastrophe globale est très élevée et que le danger est imminent. Donc là, il y a est-ce que c'est du catastrophisme? On peut se poser la question, mais c'est clair que c'est un geste qui a marqué, puisqu'effectivement, c'est la première fois depuis 1953 qu'on est aussi proche de minuit. On approche de la fin de l'émission, mais quand on regarde rétrospectivement ce qu'on vient de faire comme parcours là, depuis quelques minutes, quand on regarde l'évolution de l'heure que va indiquer cette horloge de la fin du monde au fil du temps, à quelle conclusion on peut en arriver? Ouais, bien, il y a déjà une constatation qui est un peu ironique, c'est que dans le fond, on voit la guerre froide comme une ère de stabilité. Ouais. En fait, quand on regarde avec le recul, on est à 2 minutes et demie alors qu'on n'est plus en guerre froide. Donc, ça veut donc dire que cette période, en fait, pourrait nous insuffler un peu de nostalgie déjà. Mais ce qui est intéressant aussi à travers cette horloge, c'est que ça nous dit des choses sur notre perception du monde, sur nos sentiments aussi, sur... dans une certaine mesure aussi un paradoxe, c'est-à-dire que c'est un outil qui a une volonté objective de présenter la menace, mais en même temps, cette menace, elle reste toujours une probabilité. Et donc, les scientifiques se servent d'un outil qui est très sensationnaliste à partir de données objectives, mais aussi à partir de leur propre perception. Mm-hmm. Et là, il y a quelque chose là, il y a un paradoxe qui est assez étonnant, parce que l'objectif, en fait, c'est de faire réagir la population. Et donc, ce levier de la menace et du danger, c'est ce que l'on a trouvé de mieux pour réveiller la population, en fait, face au danger. Puis l'idée, elle est belle, on la comprend bien, mais en même temps, on ne peut pas ne pas se demander... Il y a un côté très arbitraire dans tout ça. Ouais. Qu'est-ce que ça vaut, finalement, c'est la grande question, mais qu'est-ce que ça vaut comme indicateur du degré de menace de l'humanité, une horloge comme celle-là, qui, dès le départ, était à moins 7, qui passe à moins 2, enfin, ça vaut quoi? Ouais. Bien, c'est pour ça que c'est intéressant de l'historiciser un peu dans une certaine mesure, parce que ça peut s'inscrire dans toute une histoire et une production historique sur ce qu'on appelle en histoire l'eschatologie ou toute l'histoire de la fin du monde, de ce discours sur la fin du monde. Ce qu'on peut aussi garder en tête, c'est que la prise de conscience des scientifiques après la Deuxième Guerre mondiale, c'était que pour la première fois de l'humanité, on avait les moyens, c'est ce que disaient Oppenheimer et Boutoul, on a les moyens de s'auto-détruire. Ouais. On a les moyens technologiques de s'auto-détruire. Alors, cette horloge, elle est surtout une grande prise de conscience que cette fois-ci, pour les quelques générations qui ont vécu après la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, il y a ce potentiel destructeur et on doit en être conscient année après année. Carl Bouchard, professeur d'histoire à l'Université de Montréal, habitué de l'émission. Merci beaucoup, Carl. Avec plaisir. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Pierre Plante. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.